Cri perdu. Quelqu'un m'est apparu, très loin dans le passé. C'était un ouvrier des hautes pyramides, adolescent perdu dans ces foules timides qu'écrasait le granit pour Khéops entassé. Or, ses genoux tremblaient. Il pliait, harassé sous la pierre, surcroît au poids des cieux torrides. L'effort gonflait son front et le creusait de rides. Il cria tout à coup, comme un arbre cassé. Ce cri fit frémir l'air, ébranla les terres sombres, monta, puis atteignit les étoiles sans nombre, où l'astrologue lit les jeux tristes du sort. Il monte, il va, cherchant les dieux et la justice, et depuis 3000 ans, sous l'énorme bâtisse, dans sa gloire, Khéops, inaltérable, dort. Extrait des épreuves, publié en 1866.